Les autorités sud-coréennes cherchent à faire participer les victimes de l'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise à la réunion prévue le 28 prochain pour mettre sur pied la fondation des femmes de réconfort pour l'armée japonaise, apprend-on d'après le journal d'internet sud-coréen Tongil News. D'une manière infantile, le ministère des Femmes et des Familles a tenté de les conduire à prendre part à cette réunion en leur promettant de l'argent, des habits et des repas. À ce propos, les victimes de l'esclavage sexuel et les membres du Conseil de mesures pour le problème des volontaires et d'une autre organisation ont tenu le 25 courant une conférence de presse devant le siège gouvernemental à Séoul pour dénoncer la lâcheté des autorités.